t'as vu. Au bout d'un bar à riz, il n'y a que deux places. Je cherche mes ennemis, tout le temps, tout le temps. La rue m'a laissé des séquelles. Allô maman, beau, j'ai compté le papier. Tout le temps, tout le temps. Tu peux mourir en bas, comme tout pas comme un chaco. Je rentre et mon pas vu ressortir avec le butin, putain à côté de moi. De toute façon je compte pas sur toi. Le soleil tape, je décapote le ciel. Malgré les coups, on a tenu le coup. Quand je la baisse, je la tiens par le cou. Magnum, pétrole, un petit coup. De l'air, je te chie en bas de nos tours. A qui le tour, y'aura pas de détour. Quand tu fais la maille, ça crève au bout des nuits. Quand tu fais la maille, ça crève au bout des nuits. Au volant d'un rari, il n'y a que deux places. Je cherchais mes ennemis, tout le temps, tout le temps. La rue m'a laissé des séquelles. Allô maman, beau, j'ai compté le papier. Tout le temps, tout le temps. Tu peux mourir en bas, comme tout pas comme un chaco. C'est mon cœur qui crie au secours. Les billets, ça m'appelle au bout. Je mets dans le billet, on fait que chiffrer, chiffrer, chiffrer, chiffrer. Je suis pas venu pour jouer là. Autodidacte, depuis gamin, je fais que s'adapter. Noir est la couleur du cœur, tu crois que c'est la bonne, mais y'a que des tasses. J'achète, je gagne pas le prix, avenue des âmes, je connais Rivoli. Dieu merci, toujours en vie, j'aurais pu mourir comme Tupac et Biggie. Y'a de la foudre, folle, ouh, ouh, ouh. Elle est cool, j'ai la barre de plan, la panneau est full, full, full. Mais c'est la nigga, pas de victor, pas de chagrin, tout pour la plata. Si on veut, on prend, on deal, on vole, on shoot, on touche l'ennemi. Au volant d'un rari. Il n'y a que deux places. Je cherchais mes ennemis. Tout le temps, tout le temps. La rue m'a laissé des séquelles. Allô maman, beau, j'ai compté le papier. Tout le temps, tout le temps. Tu peux mourir en bas, comme tout pas comme Marouchako. C'est mon cœur qui crie au secours. Les billets, ça m'appelle au tout. Je mets dans le billet. On fait que chiffrer, chiffrer, chiffrer, chiffrer. Je suis pas venu pour jouer là. Ta putain, c'est terminé. Il n'y a que deux places. Allô maman, pour toi. Dolda, dolda.